Radiomatic. Pour amorcer la transmission 413 d'Audiomatique, les sonoristes ont choisi de vous présenter la musique de l'artiste anglaise Beth Orton, de son plus récent album intitulé Weather Alive et paru le 23 septembre 2022. Nous entendions la chanson Arms Around a Memory. Et c'est maintenant la formation Broadcast qui assure la continuité à Audiomatique. Remain in me, the rain has place to be. Dark skies, so erotic, such chemistry. You sing your songs to deaf ears. Clenched bones don't rattle, no spears. Oh, the end of the world. Nous venons tout juste d'écouter l'artiste Camila Moreno et sa pièce Vigiano apparaissant sur son plus récent album intitulé Ray. Avant, c'était le projet Snug mené par l'artiste australien David Trussell, duquel nous écoutions le intimate mix de la pièce The End of the World qui est tirée de la compilation Miwok 12 produite par l'étiquette de disque Hyman Records. La version originale de la pièce The End of the World se retrouve quant à elle sur l'album Last of the Great Romantics publié en 2010. Et c'est avec la formation Broadcast que nous amorcions cette séquence musicale grâce à la pièce Man is Not a Bird se trouvant sur le deuxième album Haha Sound sorti en 2003. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec le duo anglais Jockstrap. I see you across the hill. Swallow me whole and pummel me down, and like a needle, I'll arrive into the stable. Il s'agissait à Audiomatic du groupe canadien Preoccupations et sa composition Advisor de son quatrième album intitulé Arrangements et lancé le 9 septembre 2022. Tout juste avant, nous avions droit à la formation américaine The Afghan Whigs de son album How Do You Burn, sorti également le 9 septembre 2022. Elle nous présentait la pièce Take Me There. Et le duo anglais Jock Strap débutait cette séquence musicale avec sa chanson Neon, extraite de son premier album I Love You Jennifer B, rendu disponible au public aussi le 9 septembre 2022. Audiomatic se poursuit maintenant sur la collaboration entre les artistes uruguayens Leo Machlaya et Jorge Cumbo. Thank you. Audiomatic, nous avions droit à un traitement dub qu'offre le projet Mad Professor à la pièce Choco Steady, originellement composée par la formation colombienne Frente Cumbiero. Cette version dub de la pièce Choco Steady se retrouve sur l'album tout simplement intitulé Frente Cumbiero meets Mad Professor et qui est paru en 2011. Avant cela, nous entendions la musique du regretté flûtiste et saxophoniste américain Pharoah Sanders, décédé le 24 septembre dernier à l'âge de 81 ans. De son deuxième album intitulé Toib, sorti en 1967, nous vous avons présenté la pièce Japan, sur laquelle Pharoah Sanders ne jouait ni flûte ni saxophone, mais offrait des chants pour accompagner la musique. Et pour amorcer la séquence, nous avons écouté la collaboration entre les artistes Leo Meshlaya et Jorge Cumbo à travers leur collaboration Bombinas, apparaissant notamment sur la compilation America Invertida, qui présente des musiques left field pop et expérimentales des années 80 issues de l'Uruguay. En conclusion de cette transmission 413 d'Audiomatic, nous avons décidé de vous offrir la musique du groupe britannique Editors, tiré de son septième album studio EBM, paru le 23 septembre 2022. Nous entendrons la chanson Picturesque. La transmission 414 d'Audiomatic sera diffusée en direct du studio de CFOU 89.1 FM mercredi prochain dès 17h, avant de se retrouver dans la voûte numérique de nos archives, accessible à travers des liens publiés sur nos profils facebook.com/audiomatic-CFOU et mixcloud.com/audiomatic. Voici donc le groupe Editors et sa chanson Picturesque. C'était Audiomatic avec les sonoristes. It's a mess.